tête, ça va jamais vraiment cool. Je suis de ceux qui ont du mal à se réjouir, impossible de me dire que tout roule. À peine la vingtaine, et déjà le ras-le-bol. Victime de moquette qui dirige pas au Saint-Col. Vieillir avant l'âge de nos jours, c'est banal. Sur ma face, tu peux lire l'état de mon moral. Dans mon dit, y'a des hauts et des bas. En ce moment, je suis bloqué au sous-sol. Combien de temps, je ne sais pas. J'espère retrouver la boussole qui guidera tous mes pas vers un nouvel envol. Car je n'admets pas que l'on brise mes rêves. Envie de laisser une trace avant que ma vie s'achève. Presque un quart de siècle à chercher mes marques. De moins en moins sec, mes yeux parfois craquent. Combien de jeunes comme moi n'ont pas trouvé leur trèfle à quatre feuilles. Perdent le goût d'explorer les délices de ce millefeuille qu'est la vie. Intérieurement ça explose comme un tel à vivre. L'accumulation de déceptions qui sont si dures à vivre. Parfois même tenté de quitter le navire. L'écriture me délivre et évite que je chavire. Le temps passe si vite, suis-je à ma place. Parfois envie de faire un tour dans l'espace. Tu me diras, c'est de mon âge, faut que le mal espace. Dès la naissance, le compte à rebours est lancé. Tu rentres dans le moule et on t'empêche de penser. L'avenir, je l'envisage en pointillé. Les mains sur le visage, je me suis mise à prier. Qui n'a pas rêvé d'une Joséphine pour protéger? Les anges gardiens, c'est dans les films, si loin de la réalité. La vie, c'est dur, de la maternité jusqu'à ce qu'on soit alité. Même froid en apparence, un homme se cache toujours pour pleurer. Un homme se cache toujours pour pleurer. Jamais ton avis. Que dois-je choisir, vivre ou mourir? C'est triste à dire, mais je le pense à cette vie, je préfère la mort. Même le plus grand des cadors se cache pour pleurer. Face aux émotions, on ne peut pas se leurrer. Les gens parlent de tristesse, ils savent pas ce que c'est. Y'a plein de monde autour de moi, mais au fond, je suis seul. Sur nous, petit à petit, le mal prend le dessus. On subit trop d'échecs, c'est nos parents qu'on déçoit. J'ai pris conscience de ma merveille, et je vais jamais dire que je l'aimais. On dit que la pluie est toujours suivie d'un ciel bleuté. Donc je pense à la chance des gens qui peuvent pleurer. Les gens qui me connaissent pas me disent narcos, pourquoi tes raps sont si sombres? Mes textes sont les fruits d'un cœur en crise, un espoir anéanti et tous les jours je sombre. À l'heure où je t'écris, je suis seul au monde. En bruit de fond, y'a la télé et Tom enfin seul au monde. Sûrement une coïncidence, un message qui m'est destiné. Pas de grande différence, je suis pas sur une île mais bel et bien isolé. Alors premier réflexe, après les larmes vient le stylo. Dans ma tête c'est le vacarme, ça jette des milliers de mots. Comment accepter les coups durs du destin? Prendre conscience que l'échec est total en disant que tout va bien. J'ai la rage en moi et je resterai indomptable. Sur les pages de mon cahier, les SOS sont innombrables. Quand c'est jour de fête, je tire la tronche. Mes potes comprennent pas, mais personne ne bronche. Enfoiré, pose pas de questions si tu ne connais pas ma vie. J'ai la haine en moi et sur mon visage tu le lis. Trop dur d'avoir la foi quand les problèmes s'accumulent. Garder confiance en soi quand tes déceptions font que tu recules. Écrire ma thérapie, ça j'en suis sûr. Mais pour combien de temps avant qu'on met à l'usure? Mon rap est un cri du cœur avant la cassure. Rien à foutre du lust, je ne vis que pour l'écriture. Sèche tes larmes de crocodile enfoiré. Ma vie loin d'une idylle, tellement de fois j'ai foiré. J'ai écrit la retourne l'année dernière tellement naïf. Comme si une chanson pouvait changer ma vie. Beaucoup me disent qu'il est difficile de briser ma carapace. Ceux qui ont réussi ont vu que je n'avais pas un cœur de glace. Malgré ça la solitude pèse, même mon ombre me fuit. J'ai du mal à être à l'aise, de plus en plus sombre je suis. Bordel, ce n'est pas la vie dont j'ai rêvé. Post-mortem, est-ce vraiment à ça que je dois penser? Qu'est-ce qui fait que demain j'aurai envie de me lever? On appelle ça l'espoir, jusqu'à hier je l'avais. La vie, elle te prend de court. Plus aucun moyen, plus aucun recours. Et puis la larme coule, entre amour, joie, haine et hargne. J'aimerais tellement dire que j'aime vivre dans cette vie. Mais tu vois, je peux pas mentir. Les années passent, certains n'ont pas encore trouvé leur place. Mon existence, quand j'y pense, j'aurais pu vivre mieux. La vie c'est comme ça, on n'a pas tout ce qu'on veut mon gars. Ce qui tient debout, c'est tous ces souvenirs. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Je n'ai que 20 ans, tu vois, et déjà plus d'illusions. Écris au secours, au secours. Imaginez que tout s'arrête.